Tony en scapit. D1, loisif. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est élevé, entendez-vous dans les campagnes, mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorgez vos fils, vos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, 1500 impurs abreuvent nos sillons. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons. 1500 impurs abreuvent nos sillons. Quoi, des cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers? Quoi, ces phalanges mercenaires terrasseraient nos fiers guerriers? Grand Dieu, par des mains enchaînées, nos fronts sous le joug se ploieraient. De villes despotes deviendraient les maîtres de nos destinées. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons. 1500 impurs abreuvent nos sillons. Amour sacré de la patrie conduit, soutient nos braves vengeurs. Liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Sous nos drapeaux que la victoire accourt à tes malaxants. Que tes ennemis expirants voient ton triomphe et notre gloire. Aux armes citoyens, formez vos bataillons. Marchons. 1500 impurs abreuvent nos sillons.